إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec la cinquième partie dans l'explication de la aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. Et dans la dernière partie qu'on a expliquée, à la fin, le Cheikh Saleh al-Fawzan expliquait certaines choses qui ont rapport avec le système d'éducation moderne et comment dans ce nouveau système il y a des défaillances et qu'il y a des manquements, et en particulier en ce qui a rapport avec l'éducation islamique. Et dans certains pays musulmans, l'éducation islamique, c'est un peu comme l'éducation islamique qu'on retrouve même dans certaines écoles, c'est-à-dire une période, parmi les périodes de l'enseignement, où on apprend aux élèves certaines choses par rapport à l'islam, mais c'est vraiment quelque chose qui est à la surface. Et donc c'est quelque chose qui est insuffisant. Et même quand on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui a rapport avec les études dans les universités islamiques, c'est pas pour dénigrer de façon absolue les études islamiques dans les universités actuellement. Au contraire, c'est pour faire comprendre en réalité que ces études islamiques-là, elles sont bénéfiques, mais elles sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'un élève ne peut pas se limiter uniquement à étudier dans le programme des universités actuelles, qui sont des universités islamiques, et puis quand il sort de cette université-là, il s'imagine qu'il est un savant. Parce que c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Quelqu'un qui sort d'une université et qui a un diplôme, il n'est pas un alim. Mais s'il rajoute à cette éducation et à ce diplôme, il donne le temps d'aller s'asseoir dans les durus des ulama pendant qu'il fait son cursus, et qu'il essaie de rajouter à cela la méthode traditionnelle en plus de l'étude islamique qu'il fait à l'université, et bien là ça va être un peu plus complet et quelque chose de plus solide. Tandis que s'il se limite uniquement au cursus de qu'est-ce qu'il apprend à l'université et qu'il pense qu'après avoir fait ça, il va avoir quelque chose de solide, ça c'est pas vrai, c'est pas suffisant, d'accord? Donc c'est pas pour s'imaginer que l'université islamique ou les études dans les universités islamiques, que ça, c'est pas bénéfique. Non, c'est très bénéfique au contraire, mais c'est pas suffisant, d'accord? Donc ça c'est juste un point que je voulais clarifier avant de continuer la suite des durus. Ensuite, maintenant, le cheikh il explique qu'est-ce qui a rapport avec les trois bases de la aqida. Il dit que il mentionne وَمِمَّا تَنْتِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُ الْقُلُوبُ وَتَعْمَلُهُ الْجَوَارِحُ. C'est-à-dire qu'est-ce qui est dit avec la langue par rapport à la foi, qu'est-ce qui est cru par le cœur et qu'est-ce qui est appliqué par le corps, d'accord? Et ça c'est un résumé de qu'est-ce qui est la réalité de la foi en fait, puisque c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le Cheikh il dit al-aqidatu thalathatu arkan: qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil qalb, وعمل بالجوارح ولا يكفي واحد منها أو اثنان فقط بل لا بد من هذه الثلاثة. Donc il dit la base, les bases de la croyance sont de trois, c'est-à-dire la définition de la foi, c'est une parole avec la langue, lorsqu'on témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, c'est une croyance avec le cœur, une croyance par le cœur, et une action qui est faite avec le corps. Tous les actes hein, qui sont des obligations, yani, tout ça, ça rentre dans les actions du corps. Ces trois choses réunies, eh bien, sont ce qu'on appelle al-iman, c'est la foi. Et une de ces trois-là n'est pas suffisante, de même que deux d'entre elles réunies, ce n'est pas suffisant. Il faut que ces trois soient réunies ensemble pour que ce soit quelque chose de bénéfique et de valable, et que ce soit réellement la foi. وقد أجمل المؤلف ما تشتمل عليه هذه الرسالة ومقدمتها من بيان العقيدة وأقسام العبادات من واجبات ومستحبات وآداب عامة وأصول الفقه لينشأ الصبيان على معرفة الإيمان وحقيقته على شكل جملة مختصرة يعني فينبغي أن يلقن الصغار المتون المختصرة لأنها مدخل إلى العلوم فهي الأصول. Donc le cheikh il dit que l'auteur, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il a écrit cette muqaddima pour expliquer la aqida et également pour expliquer les bases de l'adoration, les obligations et les choses recommandées et toutes les règles générales de l'islam, de même que les fondements du fiqh, qu'est-ce qu'on appelle en arabe usul al-fiqh. Et la raison pour laquelle il a mis tout ça dans son résumé, c'est pour que les enfants puissent grandir avec une connaissance de la foi. Si on compare ce que les ulama mentionnent par exemple, comme là on voit que Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il mentionne que le livre Ar-Risala a été écrit pour des enfants. Je me rappelle au début quand j'ai commencé à apprendre l'arabe et yani, j'ai pris un livre qu'on appelle Tuhfatu Saniya. Tuhfatu Saniya qui est l'explication du livre qu'on appelle Muqaddimatul Ajrumiya, qui est un résumé des règles de la grammaire arabe que les enfants à l'époque mémorisaient, et c'est une introduction à la science de la grammaire. Lorsque j'ai voulu apprendre ce livre ou commencer à étudier ce livre, eh bien, j'ai montré le livre à un frère qui était un des frères dans la mosquée, et je lui ai dit, j'aimerais ça, hein, étudier ce livre. Et le frère en question m'a dit, non, ce livre-là, c'est beaucoup trop difficile pour toi, c'est beaucoup trop compliqué, et j'étais un débutant, yani, à l'époque, donc il me disait, ça c'est beaucoup trop difficile, yani, tu ne pourras jamais l'apprendre. Et après, j'ai pris le livre et je suis allé voir le cheikh avec qui j'étudiais, et je lui ai dit, cheikh, j'aimerais ça étudier ce livre, mais un frère m'a dit que ce livre est beaucoup trop difficile pour moi. Alors le cheikh, il s'est mis à rire et il a dit, ce livre-là a été écrit pour enseigner la grammaire aux petits-enfants. Hein? Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qui, à l'époque où elles ont été écrites pour des enfants. Mais la réalité de la faiblesse de notre connaissance islamique à notre époque fait que ces petits livres qui ont été écrits à l'époque pour des enfants sont aujourd'hui étudiés par des adultes et par des grands. Pourquoi ? Parce que le niveau de connaissance et le niveau de compréhension de l'islam a tellement descendu qu'aujourd'hui, ces livres qui étaient à l'époque pour des enfants, maintenant, hein, eh bien, c'est devenu pour des adultes ou bien pour des grands. Donc ça nous montre en même temps aussi à quel point le niveau de l'éducation islamique a baissé à travers les siècles. D'accord ? Et donc aujourd'hui, yani, les livres comme Ar-Risala, c'est devenu un livre que même tu le fais lire à un adulte, il ne va pas peut-être comprendre ce qui est écrit dedans s'il ne l'a pas étudié avec quelqu'un pour lui expliquer. Donc, le cheikh, il a dit à la base, il a écrit pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre la foi et la réalité. Et c'est un résumé de ce que les enfants doivent commencer à apprendre parmi les, qu'est-ce qu'on appelle les mutun. Le mutun, c'est le pluriel du mot matn en arabe. Et al-matn, c'est le texte de base. Donc, souvent vous allez entendre ça, al-mutun, al-muhtasara, c'est les livres de base que l'étudiant en sciences islamiques doit commencer à étudier pour apprendre la science de l'islam. Et donc, c'est comme une introduction pour une science quelconque. D'accord? Et donc, dans, par exemple, la aqida, il y a des mutun, hein, il y a des mutun pour les débutants, et dans la grammaire, il y a des mutun, dans le fiqh, il y a des mutun, et ainsi de suite. Et c'est des livres de base pour les débutants dans chaque science, et ça représente en fait la base de cette science-là. C'est-à-dire que si tu veux comprendre cette science, tu dois posséder les bases qui sont écrites et mentionnées dans ce résumé. Si tu veux, disons, dépasser, aller ou bien aller entrer dans cette science sans avoir maîtrisé les bases en premier, eh bien tu ne vas pas comprendre, ou bien tu ne vas pas profiter réellement. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, فهي الأصول ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول من حرم الأصول حرم الوصول. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est que celui qui a été privé des bases, eh bien il sera privé d'arriver à son objectif et de vraiment comprendre la science. Et il dit والأصول هي المختصرات. Donc, les fondements et les bases, c'est quoi, al-usul? C'est les résumés qui sont écrits dans ces différentes sciences-là. D'accord? Dans usul al-fiqh, par exemple, il y a al-waraqat que les ulama enseignent aux débutants souvent, puis il y a d'autres aussi qui sont résumés aussi. Donc, il donne des exemples. Il dit Naam, fal-mubtadi' صغيرا كان أو كبيرا لا يبتدئ له بالمجامع الكبار من مجامع العلم فيقرأ في البخاري وفي مسلم وفي المغني في كتاب سيبويه لا بل المبتدئ يتدرج معه في العلم شيئا فشيئا أما أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة. ولا يأخذ من العلم شيئا لأنه يسير على غير طريق التربية الصحيحة وأتى العلم من غير بابها من غير بابه. قال تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc le cheikh, il dit ici, le débutant, qu'il soit petit ou grand, eh bien, il ne doit pas commencer tout de suite avec les livres qui sont très élaborés, et très détaillés, les gros volumes. Hein. Souvent les gens, ils ont cette mauvaise habitude de vouloir commencer par les gros livres. Hein? Et ils pensent que s'ils marchent avec un gros livre, yani, ça veut dire que les gens vont dire « Ah, mashallah, il a beaucoup d'ilm. » Eh bien non, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Tu commences par les livres les plus résumés, les plus simples, les bases. Tu vas pas commencer par lire Al-Bukhari. Tu vas pas commencer par lire Sahih Muslim. Parce que c'est des livres trop volumineux et trop grands. Comme Al-Mughni dans le fiqh aussi, ou bien le livre de Sibawayh dans la grammaire. Non, le débutant, il commence petit à petit. Et il évolue comme ça, petit à petit dans la science. Mais de commencer par les gros livres, il dit ça, c'est de la fatigue inutile. Et tu ne vas pas profiter vraiment de la science si tu agis de cette façon-là. Donc la science, ça se prend petit à petit. Ça ne se prend pas tout d'un coup. Et tu ne vas pas profiter parce que tu ne suis pas la bonne méthode d'éducation. Et donc, tu prends la science par autre que par la porte dans laquelle tu dois l'apprendre. Et il mentionne le verset, Yannick, comme pour donner cet exemple-là, en voulant dire, rentre dans la maison par sa porte. Entrez dans vos maisons par leur porte. Et il dit فالمبتدئون يلقون الواجبات فقط. Donc au début, les débutants, on leur enseigne seulement les obligations. On ne va pas commencer à leur mentionner tous les détails et les différentes branches de chaque question et comment les choses sont compliquées ou plus élaborées. Non. On leur explique seulement au début les choses obligatoires de la religion. Quand il a dépassé cette étape, eh bien là, on lui en donne un peu plus encore. Et ensuite, il évolue avec des livres un peu plus élaborés, puis jusqu'à ce qu'il soit capable par la suite, on l'amène dans des livres plus détaillés et plus élaborés dans la science. Et ça, c'est la méthode d'éducation islamique qui est correcte. Souvent, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui à notre époque, c'est ça, dans les universités justement islamiques, c'est qu'on commence tout de suite au niveau universitaire à étudier la religion. Et c'est ça qui fait que parfois, des gens qui n'ont jamais étudié la religion, eh bien, ils rentrent à l'université et commencent tout de suite à étudier des livres vraiment approfondis, détaillés dans la religion, comme Nail al-Awtar, ou des livres comme ça dans le fiqh ou dans le hadith. Les personnes qui n'ont pas de, même pas étudié, les, par exemple, Umdatul Ahkam ou bien Bulugh al-Maram, et puis ils commencent à étudier Nail al-Awtar. C'est comme si on sautait les étapes. Et l'idéal serait plutôt de suivre les étapes graduellement. Et de commencer par les choses plus simples, puis d'évoluer par la suite. Ensuite, le Cheikh, il mentionne, on continue avec les paroles de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani lorsqu'il dit وَمَا يَتَّصِلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ وَمِنْ مُؤَكِّدِهَا مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. Et donc le Cheikh il explique, l'imam Ibn Abi Zayd, il dit qu'est-ce qui a rapport avec l'obligation dans la religion, puis ensuite les sunan, c'est-à-dire les choses recommandées, qu'elle soit muakkida ou bien des nawafil qui sont surérogatoires. Muakkada, on dit une sunna muakkada, c'est-à-dire quelque chose qui est très important, une sunna qui est qui a plus d'importance parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la laissait jamais. On dit c'est une sunna muakkada, tandis qu'il y a des nawafil, c'est des surérogatoires, tu peux les faire et c'est pas obligatoire, tu les fais quand tu veux. Wa ar-ragha'ib, les choses qui sont encouragées à faire. Ensuite, des choses qui ont rapport avec les règles de la religion et les bonnes manières, et aussi des choses qui ont rapport avec les fondements du fiqh et les choses qui sont reliées aux différents domaines de ces sciences-là, selon la compréhension de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah, comme on a expliqué déjà, qui fait partie lui-même des imams parmi les imams des salafs. L'imam Malik fait partie des grands imams parmi les imams de nos salafs salih qu'on doit respecter et suivre et aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il suivait la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'ah et parce qu'il également suivait la méthodologie et la voie des salafs salih. Donc il dit le Cheikh Al-Fawzan, at-ta'at tanqasimu ila wajibat wa mustahabbat. Donc, les actes d'obéissance sont divisés en obligations et choses recommandées. Donc, dans les actes d'obéissance que Allah nous ordonne de faire, il y en a qui sont obligatoires et il y en a qui sont recommandés seulement et non obligatoires. Wa as-sunnah idha utliqat yuradu biha ma thabata 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min 'aqidatin wa 'ibadah wa tutlaq al-'aqidah. وتطلق العقيدة ويقال لكتبها كتب السنة ككتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكذلك تسمى كتب الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن منده وغيره. Donc le Cheikh explique que le terme sunna, Bon, il dit ensuite, il explique, il dit وأما السنة في اصطلاح المحدثين فهي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. Le terme sunna, il peut avoir différentes significations selon le domaine de la science dans laquelle on, dans lequel on en parle. Par exemple, si c'est les muhaddithin, les savants de hadith qui parlent du terme de la sunna, qu'est-ce que les savants de hadith veulent dire par le terme sunna? C'est en réalité tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ça fait partie de ce qu'on appelle sunna. Et ça, c'est dans la définition des savants de hadith. C'est-à-dire toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou action, hein, ou approbation, des choses qu'il a approuvées sans directement le mentionner, mais qu'il a approuvées par son silence, c'est-à-dire des choses qui ont été faites en sa présence et qu'il n'a pas interdites, et également as-sifa, c'est-à-dire sa description et ses caractéristiques physiques et son comportement. Tout ça, c'est la définition du terme sunna selon les savants de hadith. Et il y a aussi la définition de la sunna selon les ulama de fiqh. Et pour eux, parfois ils désignent par le terme sunna tout ce qui n'est pas obligatoire. Et donc dans leur terminologie, quand ils utilisent le terme sunna pour eux, ça veut dire par exemple qu'est-ce qui est recommandé de faire dans la religion mais qui n'est pas obligatoire. Et le terme sunna, de façon générale aussi, quand on l'emploie dans son sens le plus large, eh bien ça implique en réalité la aqida. Ça aussi, ça peut être utilisé dans le sens de la aqida et de la voie des salafs. Puisque on voit que plusieurs des grands imams de l'islam, lorsqu'ils ont écrit des livres sur la aqida d'Ahlus Sunnah et pour défendre la bonne croyance, la croyance des salafs, ils ont appelé leur livre en question As-Sunnah. Comme par exemple le fils de l'imam Ahmad, et l'imam Ahmad lui-même, il a un livre qui s'appelle As-Sunnah, ou bien Usul As-Sunnah. Et Ibn Abi Asim, un des imams aussi, parmi les imams des salafs, il a un livre qui s'appelle As-Sunnah. Et l'imam Al-Barbahari, il a un livre aussi qui s'appelle Usul As-Sunnah. Donc, le terme sunna ici veut dire en fait la aqida des salafs. La aqida des salafs. Donc, c'est plus général que simplement de vouloir dire, par exemple, qu'est-ce qui est recommandé. Parce qu'il y a. C'est ça, souvent les gens se mélangent quand on dit le terme sunna. Parce qu'ils ne savent pas dans quel sens parfois on l'utilise. Il y a des choses dans la sunna qui peuvent être obligatoires et il y a des choses qui peuvent être recommandées. Puisque ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire, eh bien c'est aussi obligatoire que ce que Allah a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Celui qui a obéi au messager, il a certes obéi à Allah. Et Allah il dit dans le Coran wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est la preuve que la sunna, c'est pas seulement ce qui est recommandé, mais c'est aussi ce qui est obligatoire. Et c'est pas vrai de penser que c'est seulement ce qui est dans le Coran que Allah a interdit, qui est haram. Il peut y avoir des choses aussi qui ne sont pas dans le Coran, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna et qui sont haram aussi. D'accord? Donc ça, c'est un point très important à comprendre pour éviter des confusions et pour éviter de tomber dans les erreurs de certaines personnes. Tu leur dis, par exemple, telle chose, c'est obligatoire dans l'islam. Ils disent, mais non, c'est pas obligatoire, ça, c'est dans la sunna. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est dans la sunna que c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Ensuite, le cheikh il explique, il dit والسنن بهذا المعنى العام تختلف منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب والمستحب منه ما هو مؤكد ومنه ما هو دون ذلك مثل الرواتب التي مع الفرائض ومثل صلاة الوتر وصلاة الضحى وسنن مقيدة بأوقات مثل دخول المسجد وصلاة الضحى وسنن مطلقة في جميع الأوقات وما عدا أوقات النهي. C'est ça ce qu'on expliquait en fait. Les sunan, il y en a des différents degrés de sunan. C'est-à-dire sunan, c'est le pluriel du mot sunna. Donc il y en a plusieurs degrés et de façon générale, elles ne sont pas toutes au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des sunan qui sont obligatoires, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui sont recommandées. Et parmi celles qui sont recommandées, il y en a qui sont recommandées, mais qui sont mu'akkada. Hein, comme on dit, comme par exemple la prière de witr. Et comme par exemple les deux rak'at avant salat al-subh ou salat al-fajr. Certains l'appellent différemment. Mais c'est les deux rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire à l'aube. Également, il y a d'autres prières qui sont des rawatib, comme les prières qu'on fait avant et après les obligatoires, et également salat al-duha, c'est-à-dire la prière qu'on fait dans la matinée après le lever de soleil, après que le soleil soit un peu élevé dans le ciel, c'est la prière qu'on appelle salat al-duha. Et la prière qu'on fait lorsqu'on rentre à la mosquée, tahiyatul masjid ou bien salat dukhul al masjid. Donc ça c'est différents degrés de sunan. Il dit ay min as-sunna ma huwa min al-adab al-amma. Il y a aussi des sunan qui font partie des bonnes manières de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, comme si par exemple les bonnes manières par rapport à la façon de manger, la façon de dormir, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-adab, d'accord, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de règles comme ça. Et ici, « Wal-murad bi-usul al-fiqh, qawa'id al-istinbati min al-adilla, wa bayanu al-ahkami min al-halal wal-harami wal-wajib wal-mustahab wal-makruh wal-mubah. Wa amma qawa'id al-istinbati min al-adilla tifal amru lil-wujub, aw al-istihbab, aw al-ibaha. » Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut dire par usul al-fiqh, c'est la manière d'extraire des règles des textes du Coran et de la Sunna, à savoir comment déterminer qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est permis. Ou qu'est-ce qui est détestable en regardant les textes de la charia. Hein? C'est ce qu'on appelle usul al-fiqh. Et quand on parle des qawa'id, des règles d'extraction des verdicts des textes, eh bien on dit en général que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose ou mentionne quelque chose dans la forme de l'impératif, on dit ça veut dire que ça implique l'obligation. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelque chose de façon impérative, de même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien dans ce cas-là on va dire ça implique que c'est wajib, que c'est obligatoire. Et ça peut aussi être l'istihbab, c'est-à-dire que dans le sens que c'est quelque chose de recommandé. Et les ulama ils disent que un texte, lorsqu'il est à l'impératif, ça implique une obligation, sauf s'il y a une autre preuve ou un autre texte qui vient le faire descendre au degré de recommandation. Alors dans ce cas-là, on va dire que c'est quelque chose qui est mustahab. Et il dit aussi que, et également ça peut prouver que c'est quelque chose qui est mubah. Mubah, ça veut dire qu'il n'y a pas de texte qui l'interdit, il n'y a pas de texte qui l'ordonne, c'est quelque chose qui est permis de façon générale. Wal-nahyu et l'interdiction, eh bien ça implique que c'est haram. Quand Allah dit ne faites pas telle chose, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça implique que c'est haram. Et parfois ça peut seulement impliquer que c'est makruh et non haram. D'accord? Donc pour connaître ces choses-là, il faut étudier la science qu'on appelle usul al-fiqh. C'est dans usul al-fiqh qu'on étudie ces principes généraux. D'accord? Il y a quelques principes de base de usul al-fiqh dans le livre de Ar-Risala. En ce qui concerne le fait qu'il mentionne que tout ça, il l'a fait, il l'a écrit selon le madhhab ou la position de l'imam Malik ibn Anas, le cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit « Malik ibn Anas alimul Madina wa imamu dar al-Hijra ». Donc l'imam Malik, c'est le savant de la ville de Médine, parce que toute sa vie, il a vécu à Médine. Toute sa vie, il a vécu à Médine, il n'a jamais quitté Médine. Et une des raisons pourquoi il a pu rester, ou bien pourquoi il est resté toute sa vie à Médine, c'est parce que il y avait beaucoup de savants à Médine à son époque. Et donc il n'a pas eu besoin de voyager comme les autres grands ulama de son époque ont voyagé parfois dans plusieurs pays pour pouvoir rassembler les hadiths. Lui, l'imam Malik, toute sa vie, il est resté à Médine. Et étant donné, comme je disais, il y avait tellement de ulama qu'il a appris de eux la science. Et on l'appelle Imam Mudar al-Hijra, parce que Médine, c'est l'endroit où les sahaba faisaient la hijra, donc on l'appelle l'imam de la maison de la hijra. Et c'est un parmi les quatre madhahib de fiqh qui sont reconnus parmi les madhahib d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et l'auteur en question, l'imam Ibn Abi Zayd, eh bien, il est dans ce madhhab. Il fait partie de ceux qui sont sur ce madhhab. Et il dit Walidha alika ja'ala. Donc, c'est pour ça qu'il a fait sa risala dans le madhhab maliki. Hein? Et selon les positions de l'imam Malik dans le fiqh. Et il dit Wa amma al-aqida fa aqidatu a'immat al-arba'a wahidatun wa hiya aqidatu as-salaf l'ikhtilaf baynahum fiha. Il dit en ce qui concerne la aqida des quatre madhahib d'Ahl al-Sunnah, eh bien, ils ont tous la même aqida et ils n'ont pas de divergence entre eux dans cette aqida, c'est la aqida des salaf al-salih. D'accord? Mais comme j'expliquais dans le premier cours que après les premiers siècles de l'islam, certaines personnes se sont prétendues ou ont dit qu'ils sont malikis, mais ils n'ont pas suivi la aqida de l'imam Malik. Ils ont suivi la aqida de Al-Asha'ira et Al-Maturidiyya. Comme par exemple, si vous allez dans les pays où les gens sont hanafis, comme en Inde, au Pakistan, en Turquie, dans ces régions-là, les gens sont ahnaf, c'est-à-dire ils suivent le madhhab de l'imam Abu Hanifa. Mais dans l'aqida, ils sont sur l'aqida qu'on appelle l'aqida al-maturidiyya. Al-maturidiyya. Et cette aqida-là, c'est l'aqida de quelqu'un qu'ils appellent Abu Mansour al-maturidi. Et lui, il est sur une aqida qui fait partie de l'aqida des gens de Kalam, c'est-à-dire qu'eux, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les déforment de leur sens de la même manière que les Asha'ira. De la même manière que les Asha'ira. Donc quand vous allez dans les pays où les musulmans suivent le madhhab Shafi'i ou le madhhab Maliki, eh bien vous trouvez que ils suivent dans le fiqh, ils disent on est des Maliki, mais dans la aqida vous voyez que ils sont sur la aqida de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et non pas sur la aqida de l'imam Malik. Et une des façons que vous allez découvrir qu'ils sont sur la aqida de al-Ash'ari, c'est que quand ils parlent d'Allah et de ses attributs, ils vont uniquement parler de tawhid al-Rububiyya. Quand ils parlent du tawhid, ils parlent que du tawhid al-Rububiyya, parce que vous savez que le tawhid se divise en trois catégories. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat. Naam. Donc Tawhid al-Rububiyya, c'est le Tawhid des mushrikin. C'est-à-dire que même les mushrikin de la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en ce Tawhid-là. C'est-à-dire que Allah c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui contrôle tout, qui fait vivre et qui fait mourir. Eux, ils étaient d'accord avec ça. Et ils croyaient en ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc les mushrikoun de Quraysh et Abu Jahl et Abu Lahab, si tu leur demandes ça, ils vont dire oui, c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah le maître. Mais par contre, ils adorent d'autres que Allah. Ils font le shirk. dans l'adoration. Donc, c'est pour cette raison-là que hein, les prophètes ont appelé à ce qu'on appelle Tawhid al-Ibada, ou bien Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est ça le Tawhid le plus important. Mais pour les Asha'ira, cette catégorie de Tawhid n'existe pas. Hein? Ils ne donnent pas d'importance à ça. Et c'est pour ça que la plupart des soufiyines, ils sont Asha'ira dans l'Aqidah, parce qu'ils se permettent par la suite de hein, faire des adorations pour les saints, pour les tombes et pour les morts. Et ils disent que du moment qu'on reconnaît que Allah c'est le seul maître et le seul créateur, alors dans ce cas-là, on peut prendre des intermédiaires entre nous et Allah dans l'adoration, et ça ne dérange pas notre tawhid. Parce que c'est le plus important pour eux, c'est tawhid ar-rububiyya. Hein? Et donc c'est un de leurs problèmes par rapport à leur compréhension de la aqidah. Aussi, ils ont un problème également dans tawhid al-asma et al-sifat. Parce que pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure, le tawhid c'est seulement tawhid ar-rububiyya. Donc ils ne croient pas en tawhid al-asma et al-sifat. Et en principe, eux, qu'est-ce qu'ils disent? On croit au nom d'Allah, mais en ce qui concerne les attributs d'Allah, il n'en a que 13. Donc si vous voyez par exemple un livre de Aqidah, et quand dans ce livre-là il parle des attributs d'Allah, il mentionne seulement 13 attributs, ou 7 attributs selon les divergences entre eux, eh bien vous savez que c'est un livre qui est basé sur la Aqidah des Asha'ira. Et c'est cette Aqidah-là qui est enseignée hein, dans la plupart du temps dans les endroits où les gens se disent Asha'ira, Shafi'i ou bien Maliki. Ils sont sur la Aqidah d'Abul Hassan al-Ash'ari, celle qu'il avait avant de se repentir avant sa mort. Il était sur la aqidah des gens de Kalam qui nient les attributs d'Allah. D'accord? Si tu leur demandes où est Allah, eux ils rejettent cette question. Ils rejettent cette question. Ils disent non, on n'a pas le droit de demander où est Allah. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une jeune esclave, hein, lorsque un sahabi l'a ramené, il a dit « Ô messager d'Allah, hein, cette esclave-là, yani je l'ai frappée. Et pour expier cette erreur que j'ai faite, yani je voudrais la libérer. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé deux questions à l'esclave et lui a dit « Où est Allah ?» Et elle a dit « Fis sama, hein, » c'est-à-dire dans les cieux, au-dessus de nous, au-dessus de son trône. Hein, « Fis sama. » Et il lui a posé une autre question, et qui suis-je? Elle a dit, Anta Rasulullah. Hein? Tu es le messager d'Allah. Et il a dit, I'tiqha fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la, car c'est une croyante. Donc ça, c'est la preuve que, on a le droit de demander où est Allah. Et on a le droit de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, ou au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, puisque c'est ça ce qu'il dit dans le Coran. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. Dans plus de 7 versets dans le Coran. Donc c'est ça la aqida des salaf. Si tu leur demandes par rapport au verset qui dit الرحمن على العرش استوى, eh bien ils refusent de dire que le terme استوى ça signifie que Allah est au-dessus. Eux ils disent non, ça ne veut pas dire que Allah est au-dessus, ça veut dire que Allah a conquis le trône. Hein? Et donc il déforme le terme istawa pour lui donner le sens de d'un autre verbe qui est le verbe istawla. Et donc quand ils font ça, en fait les ulama disent ça s'appelle at-tahrif, hein? Et eux ils l'appellent ta'wil. Ils disent ça c'est une interprétation, mais en réalité c'est une déformation du sens, c'est une falsification du sens, puisque le terme istawa ça ne veut pas dire istawla. Et si tu dis que Allah a conquis son trône, hein, ou a pris le pouvoir du trône, ça veut dire quoi? Avant lui, est-ce que quelqu'un d'autre hein, avait le trône? Allah al-Musta'an. Et est-ce que Allah a seulement le pouvoir sur le trône ou il a le pouvoir sur toute chose? Pourquoi il aurait spécifié qu'il a pris le pouvoir du trône alors qu'il a le pouvoir de tout? Donc ça servirait à rien de spécifier le trône. Et donc c'est pour cette raison-là que lorsqu'on sait que la plus haute des créatures, c'est le trône, eh bien quand il dit qu'il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute chose. Hein? Et que c'est, lui, le maître de toute chose. Et en même temps, il mentionne dans le Coran, il dit qu'au jour de la résurrection, il va prendre tout, hein, la terre, il va en faire une poignée. Et il va plier les cieux dans sa main droite. Hein? Comme il dit, « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ » Donc il va fermer les cieux et il va faire une poignée avec la terre. Et il va fermer les cieux et l'univers dans sa main droite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein? Et eux, ils disent, non, tu n'as pas le droit de dire que Allah a une main. Parce que si tu dis qu'il a une main, ça veut dire qu'il ressemble à sa création. Et nous, on dit non. On n'a pas le droit, premièrement, d'imaginer cette main. Mais on est obligé de l'affirmer. Pourquoi on est obligé de l'affirmer? Parce que c'est Allah lui-même qui l'a dit. Et donc, eux, ils disent, vous êtes des anthropomorphistes parce que vous faites ressembler Dieu à un homme ou à une créature. Et vous lui attribuez une main. On dit, c'est pas nous qui avons attribué une main à Allah, mais c'est Allah lui-même qui s'est attribué une main. Et donc, on ne commet pas d'anthropomorphisme en lui attribuant ce qu'il s'est attribué lui-même. Mais on dit qu'il y a une différence entre le Créateur et la créature, et que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même, « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » Donc, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Et donc, par conséquent, hein, il n'y a pas de ressemblance entre Allah et sa création, et donc il n'y a pas d'anthropomorphisme, il n'y a pas de tashbih. Et les vrais mushabbiha, ceux qui font réellement ressembler Allah à sa création, sont ceux qui disent, hein, ou qui diraient, « Ma main est comme la main d'Allah ». Celui qui dit « La main d'Allah est comme la main de la créature », lui c'est un mushabbih. Et lui il a commis le shirk et le kufr. Et il a quitté l'islam. Tandis que celui qui dit « Allah a une main qui lui convient et qui convient à sa grandeur et à sa puissance et à sa majesté et à son honneur et qui est différente de celle de ses créatures », celui-là personne ne peut prétendre qu'il est un mushabbih. Hein? S'il prétend ça, alors il est certes il est en train de dire n'importe quoi. Donc, ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec des exemples de la aqida des Asha'ira et comment ils ont contredit la croyance d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. D'accord? Qui est la croyance de l'imam Malik et des ulama d'Ahlus Sunnah. Donc, le Cheikh il dit, donc tous les imams sont sur la même aqida. Il dit, wa madhhab al-imam Malik intashara fi al-Maghrib wa al-Andalus wa Afriqiya. Wa huwa madhhab ahli al-Madina. Il dit que le madhhab de l'imam Malik s'est propagé dans le nord de l'Afrique, qu'est-ce qu'on appelle le Maghreb, l'Andalousie, qui était l'Espagne, hein, lorsque les musulmans pendant 800 ans ont régné en Espagne, eh bien, leur madhhab c'était le madhhab de l'imam Malik. Et il y a eu de grands ulama, des imams de l'islam qui sont sortis de l'Andalousie. Comme l'imam Ibn Abdel Barr, hein, Abu Amr Ibn Abdel Barr, qui est un grand imam parmi les ulama des salafs. Et il a un livre très célèbre qui explique la muwatta de l'imam Malik. Et son livre c'est At-Tamhid. Et il a aussi Al-Istithkar. Et il a aussi Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Et il a beaucoup d'autres livres également. Un grand alim parmi les ulama d'Ahlus Sunnah. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, ça c'est un exemple. Et également, c'est le madhhab des gens de l'Afrique. Hein? Les gens de l'Afrique de l'Ouest, et même le Soudan. Au Soudan, ils sont Malikiyin. Ce sont des Malikis. Donc, c'est un madhhab qui s'est propagé. Alhamdulillah. Et également, c'est le madhhab des habitants de Médine. Les habitants de Médine. Ensuite, le cheikh, il dit... Naam. Et donc, ça, il a écrit ce livre sur la voix de l'imam Malik. Il dit... وَهَذَا لَيْسَ تَحِيُّزًا لِلْإِمَامِ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَكِنْ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُؤَلِّفِ مِنْهُمْ وَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ ناسب أن يبين لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب مالك. Donc des fois, c'est comme je vous dis, maintenant vous allez voir des gens qui se disent Maliki, mais en réalité, hein, ils sont loin du madhab de l'imam Malik et de la aqida de l'imam Malik. Vous allez voir des gens qui yani, pratiquent le soufisme, sont dans différentes turuq et ils visitent ils vont adorer des morts et des tombes et faire des pèlerinages aux tombes, et ils disent nous on est sur la aqida de l'imam Malik. Est-ce que l'imam Malik adorait des tombes, adorait des saints, faisait partie d'une tariqa? Demandez-leur c'était quoi la tariqa de l'imam Malik. Est-ce que c'était Naqshbandi ou Qadiri ou Tijani, hein? Non, puisque tout ça c'est venu après lui. L'imam Malik, hein, sa tariqa c'est la tariqa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa aqida c'est la aqida des sahaba, hein, celle qui a été suivie par Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhum wa Ali et tous les sahaba. C'est ça sa aqida de l'imam Malik, et non pas qu'est-ce qui est apparu par la suite. Donc alhamdoulillah. Et les autres, yani, c'est pas pour, le cheikh il dit c'est pas pour spécifier l'imam Malik seulement en dehors des autres imams de Ahlus Sunnah, mais c'est uniquement parce que les gens, des habitants du nord de l'Afrique d'où venait l'auteur, yani, étaient sur ce madhab, et donc il voulait clarifier la aqida de son imam, hein? Et donc c'est pour ça qu'il l'a écrit sur le madhab de l'imam Malik. Il dit ومع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن وليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. Donc il dit, يعني pour faciliter ce qui a été compliqué parfois dans l'explication des savants qui sont fermement enracinés dans la religion, et les gens qui étudient la compréhension de l'islam et le fiqh, et que tu as voulu enseigner aux enfants, qu'on enseigne aux enfants comme on leur enseigne les lettres du Coran, hein, et pour que ce soit quelque chose qui rentre dans leur cœur et qui fait partie de la compréhension de la religion d'Allah et de ses règles, de ses principes. Il dit وَهَذَا الْمُخْتَصَرْ سَهْلٌ. Ce résumé dans le fiqh, il est facile, et il n'est pas écrit avec des choses difficiles ou compliquées, parce que les enfants, ils ont besoin de quelque chose de simple pour leur faciliter la compréhension. Donc c'est quelque chose qui est facile et qui est clair. Et c'est comme ça que doit être la voix des hommes de science. Parmi les savants qui nous précédaient, ils étaient toujours en train de simplifier la religion. Et vous allez remarquer également que même à notre époque, les grands ulama sont ceux qui savent le mieux clarifier de façon simple l'islam. Tous ceux qui sont capables, les grands ulama, si vous les écoutez, ils facilitent beaucoup la religion aux gens. Même quand ils expliquent, tu trouves que c'est tellement simple que c'est facile à comprendre. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas, subhanallah, ils veulent montrer, je ne sais pas s'ils veulent montrer qu'ils ont plus de science ou je ne sais pas quoi, mais quand ils parlent de la religion, on dirait de la philosophie. Et quand ils parlent, on dirait qu'ils font tout pour que les gens ne comprennent pas. Et après, quand ils mélangent tout le monde avec leurs idées et leurs beaux discours, à la fin, tu dis, ah, celui-là, il est tellement fort que je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit lui-même, peut-être. Ou bien parce qu'il veut égarer les gens. Alors, il utilise des explications tellement compliquées, à la fin, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Mais les ulama, eux, non. Alhamdulillah, les ulama d'Ahlus Sunnah, ils simplifient la religion pour les gens. Et ils la rendent claire pour les gens. Et ils n'utilisent pas un langage ou des expressions trop compliquées pour que les gens soient confus et ils trouvent que les choses sont trop... Donc il faut que les choses soient claires et que les choses soient simples. Et ça, c'est la façon que les ulama ont toujours employée dans leur façon d'enseigner l'islam et dans leur façon d'expliquer la religion. Et donc la religion, il est obligatoire qu'elle soit facilitée et qu'elle soit clarifiée pour les étudiants en sciences, le plus possible. Après, il dit, il s'adresse le cheikh à son professeur, en disant que, Yanni, tu m'as demandé d'écrire quelque chose pour les enfants, et ainsi de suite. Donc, il écrit ça pour répondre, comme on a dit tout à l'heure, à la demande de son cheikh. Il écrit cette introduction parce que son cheikh lui a demandé de le faire, pour qu'il puisse l'enseigner aux enfants et en même temps qu'il leur explique le Coran. Il dit, فَيَكُنُوا تَعْلِيمُهُمْ شَامِنًا لِلْقُرْآنِ وَلِلْفِقْهِ. Donc ils vont comprendre le Coran et le fiqh en même temps. Et il dit ça, c'est la meilleure façon d'enseigner. Et il explique donc qu'ils vont évoluer dans cette science-là, étape par étape, en débutant par les résumés, comme on l'a dit tout à l'heure. Il dit, فَكَمَا أَنَّهُمْ يُعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ وَيُعَلَّمُونَ الْفِقْهِ وَلِجَمْعٍ وليجمع بين تعليم القرآن وتعليم الفقه والعقيدة وهذا أحسن الطريقة. Donc c'est ça, c'est comme il a dit, c'est la meilleure méthode. Il dit وليفهموا دين الله وهم صغار, pour qu'ils comprennent la religion d'Allah alors qu'ils sont petits. Yani, s'ils apprennent la religion lorsqu'ils sont petits, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour eux en grandissant de la comprendre encore mieux. Tandis que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on les garde ignorants à l'enfance, et bien plus tard ils grandissent et souvent ils deviennent athées ou bien ils n'ont pas de compréhension de la religion. Donc il dit فَيُقَالُ لَهُمْ اسْبِرُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَكْبُرُوا فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَغَلْ وَقْتَهُمْ وَسِنَّهُمْ وَتُرَكَّزْ فِيهِمْ أُمُورَ الدِّينِ وَأُمُورَ الْعَقِيدَةِ وَالْفِقْهِ أَمَّا إِذَا كَبُرُوا انشغلوا وانصرفوا عن تعلم العلم فالصغير ليس مثل الكبير. Donc c'est ça, il ne faut pas attendre qu'ils deviennent grands, les enfants, parce que quand ils deviennent grands, ils sont occupés par la suite et ils se détournent de l'apprentissage. Donc il faut profiter du moment qu'ils sont petits. Et il dit le petit, il apprend plus facilement. Et il dit والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il enseignait même aux enfants. Et il donne l'exemple de ça dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce hadith à Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas était un enfant. Il était tout petit. Et donc il lui a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha, yahfazak. Ihfazillah, tajidhu tujahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fas'ta'in billah. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. Donc le hadith en question, yani comme je disais tout à l'heure, c'était le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ces paroles là à des enfants, à un enfant, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Mais regardez la profondeur des paroles. Malgré son jeune âge, Abdullah ibn Abbas, il les a mémorisées, ces paroles-là. Et, yani, subhanallah, on voit que, yani, c'est des paroles très, très, yani, de base et des choses de la croyance islamique qui sont fondamentales. Il a dit, oh, jeune garçon, je t'apprends quelques mots, ou quelques phrases. Yani, préserve Allah. Préserve les ulama ont dit préserve Allah, en voulant dire préserve les ordres d'Allah et Allah va te préserver. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande à Allah seul. Et si tu demandes, de l'aide, eh bien demande uniquement l'aide à Allah. Et sache que si tout le monde se réunissait pour te faire un bien quelconque, il ne pourrait te faire comme bien que ce que Allah a écrit pour toi. Et sache que si les hommes se réunissaient pour te faire un mal quelconque, il ne pourrait te faire de mal que ce que Allah a écrit pour toi. Et il a dit ensuite, la plume a été soulevée et l'encre a séché. Et naam, donc c'est ça. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné les choses. Je me rappelle une fois, Yani, j'étais avec, j'étais assis, puis il y a un soufi qui discutait, qui expliquait ce hadith, Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. Et il l'interprétait d'une manière. J'ai dit, mais ça, qu'est-ce que tu es en train de dire? Là, ça déforme complètement le sens du hadith. Donc, laisse le hadith tel qu'il est. Il est clair. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné la prédestination des créations dans les tables préservées 50 000 ans. Parce que je lui ai mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam muslim que la création, la prédestination de tout ce qui existe a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Mais j'ai dit, la façon dont tu l'expliques maintenant, ça contredit, hein, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il essayait de déformer le sens. Et donc c'est pour dire que des fois, quand vous entendez des gens qui philosophent et ils veulent philosopher, hein, ils commencent à ramener des interprétations très compliquées et très bizarres. Et donc ça, c'est des exemples de ce que je disais tout à l'heure, comment certains essaient de compliquer la religion alors qu'elle doit être simple. Il dit wa kadha qala li Umar ibn Abi Salama wa kana rabiban indahu عندما جلس ليأكل كانت يده تطيش في الصحيفة في الصحفة فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ويعلمه آداب الأكل أن يسمي الله أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ولا مما يلي غيره ممن جانبه فيعلم الأطفال أنهم Donc il a enseigné même à d'autres enfants aussi, comme par exemple il a dit à Omar ibn Abi Salama, alors qu'il était chez lui, il mangeait dans un plat et sa main frappait ou bien prenait la nourriture un peu partout dans le plat. Alors il lui a dit, oh jeune garçon, dis Bismillah et mange avec ta main droite et mange de ce qui est devant toi. Tu ne vas pas prendre de ce qui est à gauche ou à droite ou à d'autres endroits dans le plat. Tu manges ce qui est devant toi seulement. Donc c'est ça les bonnes manières par rapport à la façon de manger. Et donc tu commences par le fait de mentionner le nom d'Allah, puis de manger par ta main droite ou avec ta main droite, et de manger de ce qui est devant toi. Et non pas de ce qui est à côté, et ainsi de suite. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux enfants de la même manière qu'il enseignait aux adultes, mais il concentrait des fois sur les enfants, parce que les enfants apprennent parfois plus que les adultes et plus rapidement. Donc on peut encore avancer et lire quelques points. إن شاء الله لشيخ الدي وما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. Donc on va expliquer les deux phrases, les deux premières phrases, puis on va s'arrêter. Le cheikh il explique que il dit وَلِأَنَّهُمْ إِذَا on espère la bénédiction et la louange ou bien que qu'est-ce qu'ils font, que à la fin leur conclusion va être louable et que qu'est-ce qu'ils font sera rempli de bénédiction après avoir appris cette risala. Et il dit j'ai répondu à ta demande d'écrire ce livre, et je l'ai écrit en espérant pour moi-même et pour toi la récompense, d'obtenir la récompense d'Allah pour celui qui a enseigné la religion d'Allah et pour celui qui a appelé à celle-ci. Et donc le cheikh il dit لأنهم إذا تعلموا وهم صغار صار العلم مباركا عليهم. Quand ils apprennent, les enfants, lorsqu'ils sont petits, eh bien cette science devient bénie sur eux. وأثر فيهم أكثر من الكبار. Et elle va avoir encore plus d'impact chez les enfants que chez les grands. لأنه نشأ معهم وانغرس في قلوبهم وأذهانهم. Pourquoi? Parce que cette science, elle grandit avec eux. Elle grandit avec eux et elle rentre profondément dans leur cœur et dans leur esprit. ولذلك تجد الأولاد الذين ينشأون على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم أحسن الشباب إذا كبروا. Le Cheikh il dit, tu vois que les enfants, quand ils sont petits, on les a éduqués à la salat et à connaître les règles de l'islam et de la aqida, de la religion. Et tu vois que quand ils grandissent, ils deviennent des jeunes hommes, hein, des jeunes femmes, et ils sont parmi les meilleurs, hein, lorsqu'ils grandissent. Pourquoi? Parce que on leur a inculqué ça depuis l'enfance. Il dit, voilà, qu'il n'est pas tariku wa uhmilu. Il dit, si tu les as négligés, tes enfants, et que tu les as abandonnés, c'est-à-dire que tu leur as pas enseigné lorsqu'ils étaient petits, eh bien, par la suite, ça devient très difficile de les éduquer et de leur enseigner. Et il donne l'exemple de, en disant, « Inna al-rusuna idha adaltaha i'tadalat wa la talinu idha kanat min al-khashabi. » C'est un vers de poésie qui signifie que les branches, lorsqu'elles sont petites, hein, lorsqu'elles sont vertes, encore vertes, tu peux les plier, tu peux les mettre dans le sens que tu veux. Mais une fois que c'est devenu du bois, que c'est devenu solide, tu ne peux plus, hein, le manier ou le plier ou quoi que ce soit. Ça devient trop dur. Et il dit, le cheikh, l'enfant, il est comme ça. Quand il est petit, eh bien, tu peux. Si tu vois qu'il ne va pas dans la bonne orientation, tu peux le corriger, tu peux l'éduquer. Mais une fois qu'il est devenu grand, tu veux le changer, c'est très difficile. Parce que son tempérament et sa personnalité sont déjà installés, et donc c'est fini par la suite. Et il dit ensuite à son professeur et à son cheikh, qu'il a répondu à sa demande et qu'il a écrit cette risala en espérant une récompense d'Allah pour lui et pour son cher, et il espère qu'il sera parmi ceux qui ont appelé les gens au bien, parce que celui qui appelle au bien, il est comme celui qui l'a fait, hein, même s'il ne l'a pas fait, mais s'il a appelé les gens à le faire, c'est comme s'il a fait lui-même le bien. Donc ça, c'est la récompense de celui qui enseigne le bien. Et son professeur va être aussi, il va recevoir lui aussi de la récompense, puisqu'il est, yani, celui qui l'a incité à le faire. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bi'idhnillah, et on continuera demain avec la suite de cette risala, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين